Lu par Plume d'encre pour audiocité.net. Conte de Noël de Joséphine Marchand. Noël au pays. On est à la Noël. Partout dans la campagne, sur la vaste étendue, les longues routes blanches sont constellées. Entre leurs bordures vertes de sapins, ces bouées fleuries, guide du voyageur dans la plaine immense et nivelée par l'hiver, on les voit courir et se croiser à travers les champs combles. Et c'est comme une procession, ce long cortège de traîneaux venant de toutes parts, s'acheminant tous vers l'église du village. La rosse qui les tire, indifférente au froid comme à la gravité de l'heure, trotte sans hâte, d'un pas égal et rythmé. De ses naseaux, la laine s'échappe en fumée lumineuse. Mais cette ressemblance lointaine avec les coursiers olympiens dont les narines flamboyantes lancent des éclairs en est une bien trompeuse cependant, car, voyez la pauvre bête, par exemple, la dernière là-bas, avec cette lourde charge, les ardeurs guerrières sont depuis longtemps mortes en sa vieille charpente. D'un contentement égal, elle porte au marché les poches pleines, ou, comme en ce moment, la famille à la messe de minuit. Le pauvre cheval n'est pas né du printemps. Cette demi-douzaine de marmots qu'il traîne là, et d'autres encore qu'on a laissés à la maison, s'il ne les a pas vus naître, du moins les a-t-il tous, chacun à son tour, menés à l'église, petits infidèles, pour les en ramener, petits chrétiens. L'histoire de ces vieilles bêtes est celle de leur maître. Jeune et fringant, le bon animal brûla jadis le pavé pour conduire chez sa blonde le père d'aujourd'hui. Et depuis, ils cheminent ensemble dans la vie, se supportant réciproquement, travaillant côte à côte, indispensables l'un à l'autre, se retrouvant toujours aux heures solennelles, au moment d'urgence, au moment où le plus humble des deux devient parfois le principal acteur. Quand il s'agit par exemple de longues courses pressées, l'hiver par les chemins débordés au milieu de la poudrerie que soulève l'Aquilon, l'automne quand le pied s'embourbe et se dégage avec peine dans les sentiers boueux, et l'été sur les routes sans ombrage. Élément obligé des joies de la famille, il conduit aujourd'hui les enfants à la messe de minuit, cette fête unique pour les petits et les simples. Fête mystérieuse, où il se retrouve dans la touchante et poétique allégorie de la crèche, la reproduction tangible, comme une incarnation des choses vagues et douces, du merveilleux qu'il voit parfois flotter dans les rêves de leur sommeil. Les deux plus jeunes de ces six heureux, enfouis, émus et recueillis dans le fond du traîneau, y viennent pour la première fois. Tandis que le père, dès qu'on est arrivé, descend le premier et se met en devoir de tirer les petits de l'encombrement des robes, le plus grand saute à terre pour jeter la meilleure et la plus chaude peau sur la bête qui fume. Et pendant qu'on l'attache, les mioches, rangées sur le perron de l'église engoncées, raides comme des mannequins dans leurs gros vêtements d'étoffe du pays, regardent et se disent tout bas « Pauvre Bidou, il ne verra rien ?» Puis on les pousse dans le vestibule où la main paternelle enlève de leur tête la tuque de laine profondément enfoncée. Les cheveux suivent alors le mouvement et demeurent tout droits, hérissés. Bon, qu'importe, les petits hommes, le cœur serré, ne quittent pas des yeux le chef de famille, prêts à obéir au premier signe. À peine osent-ils passer en hâte leurs grosses mitaines au bout de leur nez et sur leurs yeux où le froid a mis des larmes. À travers la lourde porte, on perçoit quelque chose de doux et de troublant, quelque chose d'exquis, comme un chant pour endormir les anges. Soudain, cette porte s'ouvre toute grande et les marmots, extasiés, le regard attaché sur les mille feux de l'autel, avancent inconsciemment, marchent comme dans un rêve, jusqu'à ce qu'on les retienne par leur habit. Tandis que la foule s'agenouille et s'incline autour d'eux, ils restent debout, sans mouvement, absorbés par la vue de la grotte de sapin, cristallisée de sel, représentant la neige sous laquelle gît, presque nu, le petit Jésus tout blanc, tout mignon, tendant les bras en souriant aux fidèles qu'il adore. Bon, certes, il ne fait pas chaud dans l'église. La laine y monte comme l'encens en spirale blanche vers la voûte noire. Aussi, malgré la présence du bœuf et de l'âne autour de la crèche, les petits gars se disent-ils en eux-mêmes que cela leur semble bien insuffisant. Ils craignent beaucoup que le bon Jésus ne grelotte, aussi légèrement vêtu. Mais il y a là la Sainte Vierge, toute sereine, presque souriante. Elle s'en apercevrait bien, elle, puisqu'elle est sa maman, n'est-ce pas, s'il avait froid. Qu'importe, voilà Saint Joseph avec un grand manteau rejeté en arrière et dont il n'a que faire. S'il le lui mettait, ça ne serait pas de trop assurément. Mais non, pourtant, cela doit être. Il faut que l'adorable Jésus souffre pour les hommes afin d'expier leurs péchés. On leur a souvent raconté cela. Mais pourquoi les vilains hommes ont-ils fait des péchés? Leur cœur se soulève, s'emplit soudain d'une grande indignation. Un violent désir de venger le petit Jésus les saisit. Des gros mots, les plus énergiques de leur vocabulaire enfantin, d'éloquentes invectives leur montent aux lèvres pour flétrir les ingrats qui lui font tant de mal. Ils vont le prendre et l'emporter, ils vont le mettre dans leur lit, eux coucheront à terre plutôt. Ils vont le couvrir de tout ce qu'il y a de chaud et de moelleux dans la maison. Et l'on verra bien ensuite si les méchants oseront venir leur ôter. Et les pauvres innocents, navrés, tout frémissants de la tempête qui vient de passer en eux, reniflent tout bas, pris d'une grosse envie de pleurer. Tout à coup, la musique cesse. C'est comme si une main brusque chassait leurs rêves en les réveillant brutalement. La grotte de sapin s'emplit d'ombre, et au milieu d'un vilain brouhaha, on les entraîne dehors, où le vent glacé les soufflait au passage. Sans un mot, ils se laissent tasser, encapuchonner, envelopper dans les fourrures, sentant gronder en eux une sorte de mauvaise humeur rageuse qui se fond bientôt en un immense besoin de dormir. À la maison, on les sort de leur nid comme des sacs de farine par les deux bouts. On les déshabille, on les couche sans qu'ils en aient conscience, sans qu'ils prennent même part à ce fameux réveillon dont ils ont vu les apprêts alléchants et qui devait, dans leur espoir d'hier, couronner si délicieusement la fête. Leurs nerfs agités se reposent dans un sommeil de plomb de la secousse qu'ils ont subie. Et ce sera demain le débordement des impressions, les emportements, les questions sans nombre, l'adorable histoire, enfin, des âmes neuves, s'ouvrant une première fois à la perception des choses de la vie. Et certes, sous quel plus pur et plus chaud rayonnement que celui de la crèche divine, à quelle plus belle aurore pouvait s'opérer cette fraîche éclosion ? Vive Noël toujours pour les mignons et les innocents. Hier et demain, un conte du jour de l'an pour le grand monde. J'avais, comme de coutume, suspendu un bas de ma plus longue et plus belle paire à mon clou particulier. Sur un pan du mur de notre grande nurserie, depuis bien des jours de l'an, 6 clous, réservés à l'usage antique et solennel, restaient alignés. Ils y sont même encore, quoique la nurserie ait perdu son nom et son utilité. Ils y sont encore, persistants comme les bons souvenirs, accrochant parfois au passage le bout flottant d'un saturon, la dentelle d'une manche qui les effleure, comme pour remendier un peu de l'intérêt de jadis. Comme on devient maussade et moralisateur en vieillissant. Ces clous innocents qui faisaient autrefois battre mon cœur impatient d'une joie sans bornes comme sans mélange, me font m'arrêter maintenant toute rêveuse et philosophante. Je les recompte sur le mur, pensant que tout cela c'est fini, songeant aussi que l'un de leurs propriétaires n'y est plus, ne reviendra jamais, etc. Bien d'autres idées se mettent à me passer dans l'esprit, et je reste immobile, là, au milieu de la pièce, regardant fixement, nulle part. C'est que ces 6 clous en comptent des choses. Cela chante la poésie, la candeur de l'enfance, au milieu d'un entourage qui accuse l'expérience, la maturité des sentiments, qui trahit jusqu'à la transformation graduelle des aspirations chez les bébés grandis. On voit ça et là des livres, des portraits, divers articles parlant tous le langage d'un autre âge. Et devant le contraste de ces deux époques, l'on se demande laquelle vaut le mieux. Autant que je suspendais mon bas, je n'aurais voulu, pour rien au monde, perdre mes chères superstitions. Je croyais à Santa Claus avec fanatisme. Que ses dessins impénétrables, que ses dons mystérieux m'inspiraient donc de rêves fantastiques et de conjectures délicieuses. et mon ingénieuse ignorance me laissait supposer des trésors enfouis en des sphères sphériques, que des notions plus positives m'ont depuis fait oublier. Aussi, l'on ne saurait se figurer quelle mélancolie, quel vide se produisit dans mon âme, quand ces adorables chimères commencèrent à me paraître moins vraisemblables. Je résistai quelque temps à la désillusion. Je retins, comme malgré eux, les bien-aimés fantômes qui voulaient s'enfuir. Lutte inutile. Il m'eût fallu, pour garder ma foi naïve, mes rêves chéris, fermer mes oreilles et mes yeux, arrêter les recherches de ma raison curieuse, oublier les leçons journalières de l'expérience, enfin toutes ces choses qui voulaient voir, entendre, déduire avec une ardeur désespérante. Je vis, j'entendis, je raisonnais tant qu'un bon jour je sentis avec douleur qu'il me fallait faire mes adieux à mon pauvre Santa Claus. Oh, c'était ingrat et ridicule. La dette de reconnaissance que j'avais accumulée, toutes les effusions, les joies du passé, tout cela était donc absurde et faux. J'en voulais aux autres de m'avoir trompée. En somme, je me sentais fort malheureuse. Le monde me semblait bien morose, bien insignifiant. Le coup décisif arriva ainsi. Ce soir-là, malgré mes doutes, j'avais fait comme les autres, car il y avait derrière moi tout un petit peuple encore crédule que je regardais avec un mélange d'ironie et d'envie. « Après tout, qui sait ?» argumentais-je en moi-même. « C'est peut-être toujours vrai. Le bon Dieu est bien bon et si puissant. Et qu'est-ce qui empêche qu'il envoie lui-même directement son expert et fidèle Santa Claus distribuer les récompenses à ses petits-enfants? Bon, du reste, je vais bien voir. Mes yeux veilleront plutôt toute la nuit. Il faudra enfin que cela s'éclaircisse. S'il en vient un autre que l'envoyé du ciel, eh bien il ne m'échappera pas celui-là. Ma surveillance d'ailleurs ne faisait pas que de commencer à s'exercer. Toute la journée, moi-même, j'avais voulu être portière. Les allants et venants, les paquets petits et gros, les colloques suspects, tout fut noté avec soin, sans trahir pourtant d'indices révélateurs. Mon scepticisme pâlissait, mes illusions reprenaient vigueur. « Bon, je vais bien voir, me répétais-je, tandis qu'on emportait la lumière, que les innocents qui m'environnaient se mettaient à ronronner et à marmotter des choses inintelligibles en leurs rêves d'or. Eh bien, je vais bien voir. » Ah, mon Dieu, qu'il en coûte de voir quand il fait nuit, que la pendule vous berce obstinément de son monotone tic-tac, que le sommeil caresse doucement le bord de vos paupières, engourdit sans bruit vos pensées. Mon Dieu, que c'est difficile de ne pas oublier son inébranlable détermination, de ne pas céder à la persuasive et commode logique du consolant Morphée. J'y mis pourtant toute mon énergie. Ma vigilance ne s'était pas ralentie pour la peine d'en parler, au moment où, vers minuit, l'on vint mettre dans le corridor la veilleuse dont une lueur se projetait justement sur la rangée de nos bas encore vides. « Je vais bien voir !» fis-je avec un redoublement d'anxieuses émotions. Rien d'inusité ne se passe. Quelqu'un qui rentre dans sa chambre, un silence profond, prolongé. Tout plaide en faveur de Santa Claus. J'écoute encore ? Rien. Je me rassure, ma tête inquiète et tendue retombe souriante sur l'oreiller. Tous les chers fantômes rentrent en se bousculant joyeusement dans mon cerveau rasséréné. Santa Claus triomphe. Il s'avance déjà dans mon rêve, radieux, courbé sous un fardeau monstrueux, riant malicieusement dans sa longue barbe blanche de givre et d'antiquité. Oh, le beau moment! Je savais bien que ces gens-là mentaient, qui disaient avec de mauvais sourires. Il n'y a pas de Santa Claus. Est-ce que le bon Dieu se mêle de cela? Bon, on a beau dire, personne ne devine si bien nos souhaits et nos désirs intimes pour cacher adroitement dans nos bas juste les choses que nous voulons. Cher vieil ami, j'aurais voulu lui sauter au cou tant je le trouvais bon d'être revenu. Oh, oh, il devait bien avoir dans ce grand sac de beaux patins pour moi. Je les lui avais demandés avec tellement d'instance. Avais-je dormi longtemps? Quand un bruit soudain me fit ouvrir les yeux. Moi, je l'ignore. c'était un son métallique qui m'avait réveillé. Avant d'avoir pu recueillir mes esprits et de m'être rendu compte de ce qui arrivait, j'avais vu l'ombre du nez paternel effleurer rapidement la muraille. J'entendis en même temps le battement d'une pantoufle qui y retraitait en hâte. C'en était fait à jamais de mes rêves merveilleux. Il s'était effacé avec l'ombre susdite. Il n'y eut pour me consoler de la décevante réalité que les patins que je trouvais dès l'aube gisant sous mon clou particulier et dont la chute intempestive m'avait si douloureusement éclairé sur le prosaïsme des choses d'ici-bas. Que de cruelles leçons m'a depuis donné la vie sans avoir pu épuiser pourtant mon fond de poétiques illusions, tant on en amasse en ces folles années de l'enfance. En l'honneur de ce premier de l'an, à ceux qui m'ont lu, je souhaite, comme récompense, de n'avoir pas trop d'oreilles pour les sinistres avertissements de cette vieille blasée qu'on nomme l'expérience. Libre à eux de ne pas croire à Santa Claus, mais au moins qu'ils lui trouvent des adeptes en leurs petits-enfants, en reconnaissance des grandes joies dont nous lui avons tous été redevables. Le rêve d'Antoinette. Quatre fois j'ai vu, quand c'était le printemps, les grosses branches noires se revêtir de feuilles et, fières de leur nouvelle toilette, l'agiter avec un gai froufrou en se pavanant au-dessus de ma tête. Et les oiseaux tout joyeux revenir endormir leurs petits dans les berceaux de mousse neuve au milieu des feuilles fraîches. Quatre fois j'ai vu, suspendus aux arbres, les corbeilles renouvelées de fleurs blanches et roses que le petit Jésus y accroche au mois de mai. Quatre fois aussi depuis ma naissance, le tapis blanc de l'hiver s'est étendu sur la terre nue et laide pour la cacher à nos yeux attristés. Ah, j'ai bien hâte de vous faire part de ce qui me préoccupe. Mais je tenais à vous dire cela auparavant afin de vous donner une idée de mon âge. Le calcul n'est pas difficile et si vous êtes un peu perspicace, vous avez deviné que j'ai eu mes 4 ans au mois de juillet dernier. C'était la veille du jour de l'an. Il s'agissait pour maman de m'amener à la ville pour m'acheter une coiffure. Le petit frère malade l'avait empêché de s'en occuper plus tôt. Bon, le détail peut paraître futile, mais il est très important. La suite de mon récit le prouvera. À 2 heures, j'étais habillée, mais d'une drôle de façon. Ne trouvez-vous pas, je le demande aux personnes de mon âge, que les mères ont une tendresse bien chaleureuse ? Je l'appelle ainsi parce que leur sollicitude et leur frayeur du froid les portent à nous emmitoufler de manière à nous faire périr par un excès pour éviter l'autre. Je ris beaucoup quand, au moment de partir, je m'aperçus dans la glace un vrai peloton de laine. De mes boucles blondes, pas une n'avait osé s'échapper sous le triple tour du nuage bleu qui m'enveloppait la tête. Mon nez, enfoui dans tout ce lainage, paraissait si peu que c'était à faire croire que je n'en avais pas. On ne m'avait laissé que les yeux de libre, car on savait que cela me ferait tant de peine de ne rien voir. C'était déjà assez triste de ne pas pouvoir parler. Ma bouche, il ne fallait pas y songer. Elle avait assez à faire de respirer à travers tout ce qui la couvrait. Enfin, nous montons en voiture, puis gling gling, les grelots résonnent et nous glissons vite sur la neige unie. Oh, que de jolies choses partout! Des équipages par centaines, de belles dames, des petits enfants drôlement encapuchonnés comme moi. Et dans les vitrines, mais que de merveilles! Des chevaux superbes qui semblent attendre leur maître. À côté, des familles de poupées, les bras tendus et les yeux grands ouverts, comme pour appeler et chercher leur petite mère parmi tous les enfants qui défilent devant elles. À la fin, la voiture s'arrête et Jacques, me prenant dans ses bras, me dépose sur le seuil d'un grand magasin. Une demoiselle habillée de noir avec beaucoup de colliers et des cheveux frisés qui lui descendent dans les yeux s'avance vers nous. À la demande de maman, elle nous apporte plusieurs bonnets qu'on commence à m'essayer. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que je profitais de ce moment de liberté pour raconter tout ce que j'avais vu. Après m'avoir mis, ôté et remis bien des choses plus ou moins pyramidales, il se trouva qu'une certaine coiffure, que la demoiselle en noir appelait « très à la mode », sembla plaire davantage. « Combien ? » 5 piastres seulement, fit la demoiselle frisée, avec un air très aimable et un ton engageant. Un peu comme Marguerite quand elle veut me coucher et que je n'ai pas sommeil. Petite mère ouvrit des yeux plus grands que d'ordinaire. C'est bien cher, hein ? Remarquez que la peluche de soie est très dispendieuse, madame, observa la marchande avec dignité, en flattant le bonnet sur ma tête, comme on caresse un petit chat. Celle-ci est de qualité supérieure. Oh, puis cela va si bien à votre joli bébé, continua-t-elle en se penchant pour me voir. Et c'est chaud, cela couvre entièrement les oreilles. Elle dit encore beaucoup de choses en tournant et retournant le bonnet très à la mode. Pendant ce temps, maman versait sur la table un grand nombre de sous blancs que la demoiselle frisée donna à un monsieur en lui disant « Cache !» Elle avait peur que nous ne les reprissions probablement. Je ne puis vous dire tout ce que je vis d'étonnant dans cet après-midi. J'étais fatiguée de tant regarder et me sentis presque heureuse quand maman monta dans la voiture une dernière fois en disant à Jacques de nous reconduire chez nous. Une multitude de lumières brillait partout. Les rues étaient remplies de monde, de voitures et de bruit. Tout à coup, à l'angle d'une rue, au milieu d'une foule de personnes qui passaient en riant et parlant très haut, que croyez-vous que j'aperçus ? Une maman très vieille avec sa petite fille, appuyée au mur d'une grosse maison. La mère avait les yeux fermés et mettait sa main sur l'épaule de son enfant. Elle, la pauvre mignonne, avait une robe bien laide et toute déchirée, un vilain mouchoir sur sa tête, et ses mains étaient nues. Elle avait des grands yeux bleus, pleins de larmes. Elle les levait parfois en tendant sa petite main rougie vers les passants qui ne la regardaient pas. Oh, comme ils étaient méchants ! Quand je la vis ainsi grelottante et si triste, je frissonnais moi-même sous mes flanelles. Je fis un grand effort pour désigner la pauvrette, mais comment remuer sous les robes pesantes qui m'entortillaient et m'emprisonnaient complètement ? J'essayais de crier, mais le bruit de la rue couvrit ma voix. D'ailleurs, nous allions très vite et la petite mendiante disparut. Je pleurais tout bas et j'y pensais longtemps. À la fin, comme j'étais bien fatiguée, je m'appuyai sur le bras de petite mère et ne vis plus qu'à demi les lumières qui dansaient en fuyant. Jacques me porta dans la maison. Papa nous attendait et tout le monde se mit à table pour dîner. Je fus d'une sagesse exemplaire ce jour-là. Ah, c'était charmant de voir comme je ne parlais pas, moi qu'on gronde toujours pour trop bavarder. Mais je ne mangeais pas beaucoup non plus. Et là, on trouvait cela bien singulier, car habituellement, j'ai l'appétit d'un gros loup. À la vérité, je me sentais bien pesante, et ma tête alourdie avait des envies folles de tomber sur l'épaule de maman. Oh, comme je serais bien dans mon lit, me disais-je tout bas. Marguerite m'amena avant qu'on eût fini. Je me laissai faire sans pleurer, ce qui est très rare, et quand elle me déposa dans mon lit tiède et mollet, l'égoïste Antoinette s'endormit sans songer à la pauvre chérie qui avait faim là-bas, dans la grande rue froide. Soudain, quelque chose passe devant moi en m'effleurant. C'est un quelqu'un mystérieux, vêtu d'une longue tunique blanche et vaporeuse. Marguerite m'assure que c'est mon ange gardien. Sa douce figure me sourit et m'invite. Fasciné par cet appel irrésistible, je mets ma main dans celle qu'il me tend et nous nous envolons doucement tous les deux. Et me voilà de nouveau dans les rues claires et bruyantes. Je ne sais comment il se fait que le joli bonnet de peluche est sur ma tête. Maman, craignant toujours les intempéries de l'hiver, me l'aura mis à mon insu au moment du départ, je suppose. Nous avions voyagé à travers la ville éblouissante pendant quelques instants, quand mon compagnon s'arrêta. J'avais devant moi, qui ? Eh bien, la petite mendiante. Sa main glacée est tendue et ses yeux humides m'implorent. La vieille pleure aussi, les yeux toujours fermés. Elle est bien lasse et s'appuie pesamment sur l'épaule fatiguée de l'enfant. Pauvre petite, je pouvais enfin contempler ce doux regard si triste qui m'avait tant émue. Je la caressais affectueusement en essuyant ses larmes et en l'appelant sœur chérie. Je voyais de près aussi le vieux haillon noué sous son menton et qui cachait si imparfaitement ses oreilles que souffletait la bise glacée. Je l'avais enlevé pour mettre mon bonnet très à la mode sur sa jolie tête, mais elle, l'ôtant aussitôt, me le rendit avec un sourire navré. « J'ai bien froid, dit-elle, mais nous avons tellement faim, grand-maman et moi. » Et son regard, sa main ouverte, me suppliait encore. « Un sou, un pauvre sou, s'il vous plaît, » murmura sa compagne en gémissant. « Mais que faire ?» Je regardais la douce figure. Elle souriait toujours, mais restait muette. Une idée me vint tout à coup à l'esprit. Pourquoi prodigue-t-on sans remords tant de sous blancs pour les coiffures de certaines petites filles, tandis qu'ils n'en ont même pas pour acheter un morceau de pain lorsqu'elles se sentent mourir d'inanition? Cela me parut absurde et je résolus d'aller tout de suite rendre son méchant bonnet à la demoiselle afin de rapporter les sous à la pauvrette. Après avoir couru longtemps, cherchant en vain le magasin au bonnet, je m'arrêtai désolée, haletante, à bout de force. Puis à la pensée de celle qui m'attendait là-bas, le cœur palpitant d'espérance, je repris ma course stérile. Le matin, à mon réveil, petit frère gazouillait dans son berceau non loin de moi, et je voyais les vitres, toutes rouges et or, étinceler à travers le rideau de mon lit. En ouvrant bien les yeux, je découvris à mes pieds une ravissante poupée, le plus joli bébé, avec une masse de cheveux bruns frisés comme une toison. Folle de joie, je me mis à courir pour montrer dans toute la maison le cadeau du petit Jésus. J'embrassais tout le monde, je berçais mon joli bébé en chantant. Je caressais ses boucles soyeuses en lui contant toutes sortes de choses. Ah, j'étais bien heureuse. En regardant les yeux bleus de Mimi, ma poupée avait été baptisée tout de suite, naturellement. Certains souvenirs qui me revinrent me rendirent toute triste. « Papa, dis-je en jetant mes bras autour de son cou, veux-tu me faire un bien grand plaisir ?»« Mais oui, on ne refuse rien à sa petite fille le jour de l'an, » répondit ce cher petit père qui me gâte beaucoup. « Que désires-tu ?» Je racontai alors tout ce qui s'était passé, et joignant mes mains avec ferveur, comme pour prier le bon Dieu, je le suppliais de nous amener les deux mendiantes pour les réchauffer et me laisser partager mes bonbons avec la douce enfant. « Mais enfin, nous ne les connaissons pas, cher ange, » objecta mon père en m'embrassant avec tendresse. « Oui, oui, » reprit maman, « je crois les connaître. Cette pauvre aveugle est l'aïeule et le seul support de 6 orphelins dont la mère est morte de privation l'automne dernier. « Veux-tu, petite mère ?» répétai-je tout bas. Elle me prit alors sur ses genoux et me pressa sur son cœur en promettant de m'accorder tout ce que je demanderais. Après la grand-messe, en effet, on revint me chercher. Je m'installai dans la voiture, paré de mon fameux bonnet de peluche, muni d'un cornet de bonbons et accompagné de mademoiselle Mimi qui faisait des grands yeux étonnés en se trouvant dehors. Jacques nous déposa dans une petite rue que je n'avais jamais vue devant une vieille masure. Oh, que c'était noir et triste là-dedans! Pas de feu, pas de lit blanc, rien! Tous les petits frères, appuyés sur les genoux de la grand-mère, pleuraient amèrement en lui demandant du pain. Marie, c'est le nom de la mendiante, avait ses bras autour du cou de son aïeul. Jacques tira de dessous le siège de la voiture un grand panier qu'il emporta dans la maison. Figurez-vous que maman y avait entassé des robes, des bas, des gâteaux, du vin, du pain, des poulets, des bonbons. Je donnais tous les miens aux petits frères, qui me faisaient rire aux larmes en les avalant tout rond. Je prêtais aussi ma poupée à Marie. Elle osait à peine y toucher, et disait avec admiration à la vieille aveugle. « Oh, grand-mère, si tu voyais comme elle est gentille, un vrai bébé vivant !» La pauvre grand-maman pleurait, elle. « Ah, c'est drôle comme les vieilles gens pleurent toujours, même quand ils sont heureux !» Elle tenait les mains de maman et disait en secouant sa tête blanche. « Que le bon Dieu vous bénisse, bonne petite dame, que le bon Dieu vous bénisse !» Elle répétait constamment les mêmes paroles en sanglotant. Mais les orphelins étaient bien heureux. Ils dévoraient les tartines que Marie leur distribuait et allaient tous en offrir un morceau à leur bonne vieille maman. « Ne sois pas triste, grand-mère, nous n'avons plus faim » criaient-ils tous ensemble. « sans toutefois perdre l'occasion d'enlever d'énormes bouchées à leurs gâteaux ébréchés. J'aurais voulu passer la journée à les regarder faire. Maman interrompit ma contemplation en me prenant par la main pour me conduire vers la vieille femme assise près de l'âtre sombre. Elle m'approcha tout près de celle-ci et dit en lui touchant l'épaule « Bénissez-la, c'est elle qui m'a amenée ici. » L'aveugle se leva, toute chancelante, et posant sur ma tête ses mains qui tremblaient, elle prononça lentement ces mots « Ange du bon Dieu, soyez béni. » Petite mère lui aida à se rasseoir et m'entraîna hors de la maison. Les dernières paroles que j'entendis avant que la porte se refermât sur nous furent celles-ci « Que le bon Dieu vous bénisse. » Ainsi soit-il. Le jour de l'an. Assurément, tous les petits-enfants connaissent cette fête. Elle est bien belle, elle est radieuse pour le plus grand nombre. Elle ramène l'excellent vieux Santa Claus avec des trésors fabuleux entassés dans ses poches immenses et inépuisables. Quelques-uns, hélas, ne connaissent de ce jour que les privations, plus cruelles par leur contraste avec la joie de tout le monde. Ces malheureux petits pauvres que Santa Claus ne connaît pas, qui ne trouvent jamais, jamais rien dans leurs souliers, c'est aux enfants heureux de les consoler, de se constituer leur providence visible. Le petit Jésus, lui, qui n'oublie personne, voit leurs larmes. Il les recueille toutes. Il les change en des perles magnifiques dont il forme des couronnes plus belles que celles des anges. Car les anges, qui ne pleurent jamais, n'ont pas de perles à leur couronne. Puis, quand ses amis dorment, il les vient chercher et les amène avec lui au ciel pour leur montrer ses cadeaux précieux, ses joyaux et les ailes faites de la gaze des plus blancs nuages qu'il garde pour eux. Parmi les petites filles qui attendaient avec anxiété la joyeuse fête de l'enfance, il en était sept qui, fort probablement, auraient été forcées de renoncer aux étincelantes couronnes du petit Jésus, lesquelles ne se gagnent absolument qu'au prix des soupirs et des peines. N'eussent été les pleurs que leur faisaient verser parfois leur compassion. Et ceux-là valent presque aux yeux de Dieu les pleurs de la misère. Heureusement, les nobles émotions de leurs âmes sensibles au malheur achetaient pour elles des célestes récompenses. Car des larmes d'honneur, c'était un article rare sous leur toit. Or, le cas de pitié, elles n'en faisaient usage que juste ce qu'il faut pour baigner le sourire en vue d'obtenir les objets de leurs vœux. On sait que c'est un principe de diplomatie qui a cours chez cette petite engeance qu'un attrait irrésistible a ajouté à sa requête et celui d'un regard suppliant à travers ses pleurs. Et c'est d'excellente politique. Le moyen de résister, je vous le demande, à tant de beaux yeux émus qui prient avec une si gentille ferveur. Bon, le bon Dieu ne l'a pas encore trouvé, lui qui est bien plus fort que les hommes. Mais en ce grand jour du jour de l'an, il n'était pas besoin de ruse ni de stratagème pour être heureux. Ah mon Dieu, que de trésors enfouis dans ces petits bas, longs comme rien, mais si précieux pourtant, avec leur riche et abondante cargaison. Quel bon génie avait donc pu deviner les désirs secrets de chacune pour déposer mystérieusement à son chevet pendant la nuit l'objet si ardemment souhaité? Bon, il n'y avait qu'un petit Jésus pour réaliser des rêves si follement ambitieux, pour verser si généreusement autant de merveilles entre leurs petites mains. Les jolies fillettes adoraient, je vous le jure, ce cher bienfaiteur, ce prodigue ami des enfants sages et bons comme elles. Elles aimaient aussi de tout leur cœur leurs parents. Une pensée leur vint donc tout à coup qui faillit compromettre l'extrême félicité dont elles jouissaient. Pourquoi le cher papa et pourquoi la belle maman ne recevaient-ils pas eux aussi des cadeaux du ciel? Leurs bons petits cœurs se gonflèrent à cette réflexion. Et l'attrait de toutes les choses prodigieuses étalées devant elles disparut soudain. La plus jeune des bébés, dont le bonheur s'était incarné sous la forme de 1000 animaux mignons réunis en une arche de Noé lilliputienne, laisse là son vaste troupeau gisant par terre dans une attitude de désorganisation et d'inquiétude, comme s'il n'avait jamais été sauvé du déluge, et que tout était à recommencer. Par le plus bienvenu des hasards, entrèrent à ce moment dans la chambre qui renfermait tant de désespoir les heureux parents de cette intéressante famille. La tristesse se fondit comme par enchantement sous une pluie de baisers. « Nous en avons eu à profusion des présents du ciel, » leur dit en pleurant de bonheur leur mère. « Les joyaux inestimables, les trésors que le bon Dieu nous a donnés, mes anges. Eh bien, c'est vous ?» Noël. Le petit Noël, au bout de sa tournée, s'arrêtait indécis devant deux souliers qui lui restaient à remplir. Et pourtant, rarement il hésite, car c'est son métier de semer à pleine main le bonheur sur sa route, et le bienfaisant génie a pour cette tâche délicate les grâces d'État. Jamais, depuis qu'il avait commencé sa carrière, depuis qu'il avait été chargé de rappeler au monde le glorieux anniversaire en répandant les trésors de la charité divine, eh bien jamais il ne s'était trouvé en pareille perplexité. C'est que pour un seul cadeau qui lui restait, il y avait encore deux souliers à combler. L'un était une merveille. La mule d'une sultane n'est pas plus précieuse, et Cendrillon en aurait avec plaisir chaussé son second pied. Il était fait de peluche brodée d'argent, et sur le nœud de satin, nuancé comme une fleur qui l'ornait, un papillon reposait dont les ailes semblaient avoir gardé les reflets d'aurore. Cambré sur son fier talon, touchant à peine le sol du bout de sa pointe effilée, ce soulier ne semblait avoir emprisonné jamais que le pied d'une fée mignonne qu'il aurait laissé tomber à terre en s'élançant vers son mystique royaume. Mais ce qui surtout faisait ressortir la grâce exquise de l'adorable sandale et qui en même temps embrouillait complètement les idées de l'excellent petit Noël, mais c'était le contraste du voisinage. À côté de ce chef-d'œuvre d'élégance et de luxe, gisait sur le tapis le plus roturier des sabots. Lourd, usé, crotté, il semblait durci au feu après avoir été trempé au bourbier des rues. Pauvre petite ruine! Peut-être, au demeurant, était-elle plus à plaindre qu'à mépriser pour sa laideur. Comme il avait dû vaillamment patauger, trottiner et courir pour être ainsi sali et morfondu, le pauvre sabot. Mais que venait-il faire ici? Et pour qui réclamait-il les faveurs du petit Noël? Celui-ci voyait bien devant lui, sommeillant dans leur lit respectif, deux enfants, aussi dissemblables d'attitude et de nature que l'étaient le soulier merveille et le grossier sabot. Mais cela ne tranchait pas son embarras. Dans son berceau tuveté, tendu de soie et de gaze blanche, vaporeuse comme les visions d'un rêve, un enfant reposait. Elle ressemblait aux anges qui ornent les autels, tant elle était belle et pâle. Pas un soupir, pas un mouvement ne trahissait la vie sur sa figure idéale. Son repos était une extase. Tout auprès, dans sa camisole de bure, une fillette rose dormait heureusement, la tête appuyée sur son bras potelé. Ses cheveux en broussailles cachaient à demi son visage et flottaient comme une poussière d'or sur l'oreiller. Parfois, un plus long soupir accentuait sa respiration. Ses bras nus s'étiraient avec aise, ses lèvres closes, rouges comme un fruit mûr, s'ouvraient en un sourire de béatitude. Ses petons d'eau dure repoussaient la couverture, puis la bouche rieuse se reformait en une fleur vermeille et les menottes disparaissaient dans la brume blonde des cheveux. Les petits pieds blancs, devenus frileux, allaient s'enfouir sous les lainages, et l'enfant se pelotonnait voluptueusement dans la tiédeur de son nid. En la contemplant, le petit Noël cherchait à s'expliquer le mystère de ce bizarre rapprochement. Il supposait bien, lui qui connaît intimement le bon Dieu et qui sait que sa toute-puissante providence ne s'amuse pas à de futiles espiègleries, il soupçonnait fort, dis-je, un dessein de la miséricorde divine. Et cependant, répétait-il d'un air songeur en regardant le bébé mignon qu'il était bien près de trouver importun. Un grand sac dégonflé pendait au cou du céleste émissaire et chaque fois que ses yeux tombaient sur le bon diable de vieux sabots, sa main, instinctivement, tâtait ce sac vide. C'était, selon toute probabilité, celui qui avait contenu les présents réservés aux souliers de cette catégorie. Déjà, l'aube discrète glissait à travers les ténèbres ses lueurs lactées. Bientôt, le sommeil, agité de rêves fantastiques et de visions éblouissantes, allait fuir les paupières enfantines, empressées de s'ouvrir aux belles choses déposées à leurs pieds par la munificence du petit Noël. Il fallait se hâter. L'ami de l'enfance allait être pris en flagrant délit de visibilité, et cela, il ne l'aurait pas voulu pour une couronne de séraphin. Chacun a son orgueil. Celui de cet excellent esprit est d'expédier la besogne qu'on lui confie d'une façon irréprochable et surtout promptement. Jamais il n'a été surpris par le jour. Le flambeau que le bon Dieu lui prête pour guider sa course à travers les ombres, c'est l'étoile qui conduisait autrefois les trois rois d'Orient à la crèche du Sauveur. Voyant que ses délibérations mentales ne l'amenaient à aucune conclusion satisfaisante, l'envoyé du ciel éleva vers Dieu son pur esprit et sollicita une inspiration. Il eut alors l'intuition du décret divin. Le sac qu'il avait cru vide fut ouvert et son bras s'y plongea jusqu'à l'épaule pour en retirer un petit paquet mystérieux. Alors, les innombrables bibelots qui avaient été primitivement destinés à l'opulente pantoufle furent divisés en deux lots, et les mandataires muets, qui, gisant sur le tapis, réclamaient tacitement leur butin, en reçurent chacun une part égale. Puis, louant le Créateur de son ingénieuse et tendre générosité, le bon petit Noël brisa le cachet de l'enveloppe énigmatique dont il avait deviné le contenu précieux. Aussitôt, une poudre dorée s'échappant de ses doigts tomba dans la sandale de peluche, puis dans le misérable sabot. Tout ce qui restait d'ombre dans la pièce s'évanouit devant le poudroiement irisé de cette poussière merveilleuse, mettant partout des rayonnements. La fillette rose, blottie dans la profondeur des coussins, en devint toute resplendissante, et l'ange pâle qui dormait à côté s'anima, se transforma tout à coup sous le feu des reflets magiques. Un sang nouveau sembla s'infiltrer dans ses veines et colorer d'incarnat les lys de ses joues. La vie refleurissait en cette frêle créature. Le petit Noël s'était envolé sans bruit. Deux voix enfantines éclatèrent ensemble comme un délicieux chant d'oiseaux, emplissant le vaste palais d'échos inconnus. En même temps, une mère folle de joie accourait, élevait dans ses bras son enfant ravivé et s'écriait en la pressant passionnément sur son cœur. « Ma prière est exaucée, soyez bénie, Seigneur !»« Qui donne aux pauvres, prête à Dieu, » dit un touchant enseignement. Dans le cas actuel, le tout-puissant débiteur avait royalement soldé sa dette, rendant un petit trésor pour une obole, une vie chère pour un abri donné à l'orphelin. Le partage avait été judicieusement fait par le délégué de la Providence. Les deux souliers, sans distinction d'élégance ou de difformité, avaient été surchargés de bonbons et de jouets. Tout cela était merveille et nouveauté pour la naïve propriétaire du vilain soulier. La veille, dans le tumulte d'une grande rue, un groupe de passants l'avait séparée de sa mère. Voulant la rejoindre et courant en tous sens, la pauvre mignonne se perdit. Alors, lasse et désolée, elle s'arrêta et se mit à sangloter dans son châle, murmurant tout bas l'appel qu'elle avait longtemps répété avec des cris déchirants. « Maman ! Maman ! » soupirait-elle comme une invocation, tandis que son petit cœur éclatait. Soudain, elle sentit que l'on abaissait doucement ses mains. Une grande dame, toute enveloppée de fourrure, penchée vers elle, lui demandait tendrement « Mais pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» Cette belle femme, douce et triste, l'avait fait monter dans une superbe voiture et l'avait emmenée en un palais éblouissant, où la pauvresse fut choyée, dorlotée, à un tel point que le souvenir de son malheur en devint moins cuisant. Elle avait aussi trouvé, sous le toit hospitalier de sa bienfaitrice, un ange consolateur. C'était une enfant frêle, avec de grands yeux pensifs, où il y avait quelque chose de profond et de serein qui étonnait en la subjuguant la simple fillette. La belle dame contemplait avec attendrissement ces deux gracieuses créatures, s'observant avec curiosité et causant en leur langage d'oiseau. Elle vint se mettre à genoux près du joli groupe, et ses yeux, tout pleins de larmes, allant de l'une à l'autre, semblaient les comparer. que je serai heureuse, répéta-t-elle, que je serai heureuse. Prenant entre ses mains la tête angélique de sa fille et la baisant avec tendresse. Prie le bon Dieu avec moi qu'il te fasse ressembler à cette chère petite, lui dit-elle. Les âmes innocentes s'entendent bien entre elles. Les deux bébés devinrent bientôt les plus grandes amies du monde. L'une essuyait les larmes de l'autre, qui finissait par sourire aux caresses de sa douce protectrice. Quand sa belle amie mit sa précieuse pantoufle sur le foyer, la pauvre enfant perdue l'imita naïvement, et les compagnes, gentilles à ravir dans leur posture d'ange, joignirent les mains et prièrent ensemble le petit Noël de s'en souvenir. Et comme on l'a vu, leurs vœux furent accomplis. Après avoir curieusement parcouru, scruté et exploré le logis magnifique qu'elle occupait depuis la veille, la grosse fillette s'orna sans rien dire de tous les présents qui avaient plu dans son sabot, jeta de travers sur ses épaules le vestige fané qu'elle appelait son châle, posa sur le buisson inextricable de ses boucles un bonnet de laine, et se présenta ainsi équipée devant un grand laquais qui se tenait debout dans l'antichambre. « Je veux voir maman, » déclara-t-elle en levant vers lui sa figure ingénue. « Mais où demeure-t-elle ta mère ?» demanda le laquais ironique sans se déranger. « Je trouverai bien, ouvrez-moi seulement cette grande porte. » Le serviteur galonné se mit à rire en analysant le bizarre accoutrement de son interlocutrice. Elle le regardait avec ses grands yeux naïfs et attendait. Quand à la fin, il se décida à ouvrir les deux énormes battants de la porte massive, elle se retourna une dernière fois vers sa compagne, lui sourit doucement en matière d'adieu, et serrant plus fortement ses trésors pour ne pas les perdre en route, elle partit en courant. C'est alors que le petit sabot se remit à patauger en expert et que les polichinelles et les poupées, étroitement emprisonnées entre ses bras, eurent leurs cheveux joliment ébouriffés par les collisions diverses qu'ils subirent avec les passants, les poteaux de réverbère et que sais-je encore ? Et ma foi, tout était pour le mieux. Ces personnalités élégantes, en leur mise irréprochable, se fussent trouvées bien dépaysées dans le logis où les conduisait leur petite maîtresse. L'emmêlement de leurs chevelures et les menus avaries que reçurent leurs toilettes pendant le trajet les firent accueillir comme de la famille chez leurs nouveaux hôtes. Après une très longue course, notre amie s'arrêta devant une bicoque et frappa à la porte du pied en appelant sa mère. Elle tomba dans les bras de celle-ci, toute bourrée de ses cadeaux, cherchant à les garantir jusque dans la chaleur de l'étreinte maternelle. Aux questions empressées, « Mais d'où viens-tu, cher enfant? Mais qu'as-tu fait? Où as-tu passé la nuit ?» La fillette ne répondait pas. Elle exhibait à ses petits frères son riche butin, ses yeux brillants du plaisir de se retrouver dans la misère et l'intimité de sa cahute. La rentrée de la chère absente avec son attrayant cortège chassa le laid fantôme du désespoir qui était venu s'asseoir au foyer. La mère, ravivée, berçant longuement entre ses bras le bébé retrouvé, oublia toutes les angoisses des dernières heures. Le bonheur qui n'attendait que ce signal éclata dans la masure un instant assombri. Car le petit Noël avait aussi passé par là, jetant dans les sabots la semence d'or qui donne la paix du cœur, l'insouciance heureuse et la fraîcheur colorée d'une vigoureuse jeunesse. Pour récompenser la charité d'une mère, Dieu avait donc mis dans un palais le don inestimable qu'il réserve à ses amis les pauvres. Il y avait déposé le rare bien, l'unique trésor en cette vallée de larmes. Le jour de l'an au ciel. Au ciel, il ne fut ni jour ni nuit. Dans cet heureux séjour, lui constamment une splendide lumière, faite de toutes les aurores que le bon Dieu garde en réserve pour nous les dispenser une à une, et de tous les rayons que nous verse journellement sa munificence sans jamais en épuiser le trésor, et de tous les astres éblouissants qui lui restent à semer encore dans les espaces azurés. À la vérité, tout cela serait bien insuffisant pour éclairer l'immensité du céleste royaume, si la toute-puissance du Créateur lui-même ne l'illuminait d'un divin et suave reflet devant lequel le soleil pâlit. Ah, c'est bien beau le paradis, c'est si beau, mais si beau que les hommes n'osent pas essayer de le décrire. Pourtant, à certains moments, paraît-il, le ciel retentit d'harmonies inaccoutumées et semble encore, si c'est possible, rayonner de clarté plus magnifique. Le jour de Noël, par exemple, ces grands galas, assure-t-on. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé à travers les nuages des enivrants échos de ces fêtes. Les lyres d'or des séraphins vibraient encore des accents du beau concert de Noël. Déjà, les élus les plus anciens, semblables aux bons vieux serviteurs qui ne s'attardent jamais dans l'accomplissement d'un devoir, se relevant de leur longue adoration aux pieds de l'enfant Jésus, dont c'était la fête spéciale, songeaient à retourner à leurs postes respectifs. Saint-Pierre regagnait sa loge de concierge d'un pas alerte. On sait qu'au ciel, le grand âge n'est pas un fardeau. Sainte Cécile, qui s'était particulièrement surpassée par des élans d'extatique inspiration, remettait sa harpe dans son riche étui. Les petits anges folâtres, reprenant leur jeu, se poursuivaient en agitant leurs ailes blanches jusqu'auprès de la belle Vierge qui souriait à leurs ébats et, sous la surveillance du grand maître des angéliques légions, Saint-Michel. Le vainqueur de Satan conservait l'allure formidable qui convient à un héros guerrier. Il n'effrayait pas cependant avec son grand glaive, celui précisément qui lui servit dans son fameux combat avec Lucifer. Il n'effrayait donc pas les petits soldats de son armée. Quelques-uns d'entre eux se réfugiaient jusque dans les plis de ses ailes pour échapper aux espiègles assauts de leurs frères. « Ah, maintenant, disait à d'autres bienheureux un beau vieillard, il me faut songer à mes enfants de là-bas. » Savez-vous qui il appelait ainsi ce beau vieillard ? Et soupçonnez-vous un peu ce qu'il pouvait être lui-même ? Ce vénérable personnage n'était autre que le fameux Santa Claus. Et ses enfants ? Eh bien, ses enfants, c'était vous. C'étaient toutes les fillettes sages qui ont mérité des étrennes. Mes chers amis, je ne voudrais pas être obligé de vous énumérer toutes les choses inouïes renfermées dans le magasin aux étrennes dont notre vieil ami avait la charge. Cela me prendrait bien plus de temps qu'il ne lui en fallut pour les verser toutes dans ces énormes sacs. Vous savez les superbes carrosses que les fées d'autrefois faisaient surgir de modestes citrouilles? Et les toilettes magiques qu'elles donnaient à leurs filleules? Vous avez vu, dans l'histoire de Cendrillon, de quels adorables bijoux ces mystiques dames couvraient leurs protégés? Eh bien, tout cela n'était rien à comparer aux riches bagages de Santa Claus. Songez-y, il y avait là de quoi réjouir tout un univers de petits-enfants. Quand le messager de la bienfaisance divine traversait le ciel, courbé sous le poids de ses trésors, pour aller prendre congé du souverain maître et recueillir ses instructions, le bruyant cortège des anges s'arrêtait pour le regarder passer. Il se trouvait même des élus qui avaient été d'austères pénitents sur la terre et qui s'amusaient naïvement à examiner ces délicieux bibelots. Saint Jérôme, par exemple, et d'autres saints qui ont toujours vécu dans le désert et qui n'avaient jamais vu de joujou, s'extasiaient littéralement devant tous ces chefs-d'œuvre de la paternelle libéralité du bon Dieu. « Et il y en a pour tout le monde ?» demanda le petit Jésus. « Mes enfants seront tous heureux ?» Santa Claus le croyait bien. Il partit donc avec une troupe d'anges. Ces anges sont pour le servir dans sa charitable tournée. Ils se glissent doucement à l'intérieur des maisons et déposent dans les mignons souliers l'envoi du divin ami de l'enfance. Cela exempte de la peine au bon vieillard et abrège la besogne. Il a tant de chemin à faire dans une nuit. La céleste délégation était de retour au paradis avant que fussent tendus dans le firmament les voiles mordorées du matin. Le cortège en arrivant alla se prosterner devant la divine majesté. Cependant, Santa Claus n'avait pas, comme d'habitude, ce sourire content que donne la satisfaction du devoir accompli et la certitude d'avoir fait des heureux. Le petit Jésus que la Sainte Vierge berçait dans un lit tout orné de diamants, tandis qu'elle chantait doucement de sa voix qui ravit le ciel, le petit Jésus avait remarqué cela tout de suite. Les présents ont-ils donc manqué ? Qui n'est pas satisfait ? Le bon Santa Claus raconta alors ceci. « Mon travail était achevé sur la terre, dit-il. Je remontais lentement vers ce céleste séjour, en jetant sur l'univers un rétrospectif coup d'œil pour m'assurer que personne n'avait été oublié. Je disais en me réjouissant à mes compagnons, « Ah, eh bien là, nul ne pleurera demain. Les prières enfantines que notre bon Père aime tant monteront vers lui reconnaissantes, chaudes et pleines d'amour. Mais soudain, j'aperçus, dans un des coins obscurs et déserts d'une grande ville, quelqu'un, enfin une enfant, seule, glacée, perdue dans la nuit noire. Elle tremblait de frayeur, elle se mourait de faim, de misère et de désespoir. La pauvre mignonne répétait tout bas, pendant que ses grands yeux désolés regardaient le ciel et que ses petits membres grelottaient. « mon Dieu qui avait pitié des enfants délaissés, ma mère qui est là-haut, voyez-moi, j'ai froid, il fait noir et j'ai bien peur. » Elle étouffait ses sanglots de crainte d'attirer les affreux passants de la nuit. Mais que faire pour la consoler? Je me mis à chercher dans tous mes sacs, espérant y trouver quelque objet oublié. Mais hélas, rien. Rien, tout était épuisé. Et d'ailleurs, qu'aurait pu déjouer devant cette détresse que vous seul, puissant et généreux Jésus, pouvez guérir par un miracle? J'aurais pensé à cela tout de suite, n'eût été l'émotion qui troublait mes idées. Après un moment de réflexion, j'envoyai près d'elle un de mes anges, lui enjoignant d'en avoir bien soin, tandis que je viendrai vous supplier de la secourir. Le Père éternel, qui de son trône resplendissant avait tout entendu, dit « J'ai vu les larmes de cet enfant, j'ai entendu le cri de sa douleur et de sa confiante prière. » Voici ce qui s'était passé tandis que Santa Claus parlait. Sur un signe du Tout-Puissant, un ange était aussitôt venu se prosterner pour recevoir ses ordres. Ce prince de la cour céleste était le plus beau des séraphins. Un rayon de la souveraine bonté de Dieu, celui de la miséricorde, se reflétait en lui. À son front brillait un incomparable diadème où était incrusté en lettres formées de l'or des astres le beau et le grand mot « délivrance ».« Va, lui avait dit le Dieu généreux et tendre, va briser les liens qui retiennent sur la terre cette chère âme martyre. » À cette injonction, le messager obéissant se leva et partit. Il n'objecta pas qu'il faisait bien noir là-bas et que le lieu où gisait la pauvresse lui était inconnu. La providence pourvoit et veille à tout, telle était sa pensée. Il déploya alors ses grandes ailes plus lisses et plus blanches que celles des cygnes et descendit à travers les couches bleu sombre des espaces, effleurant les mondes sans s'y arrêter et laissant après lui dans les ombres du firmament une longue traînée lumineuse. Les savants terrestres dirent « Oh, c'est un admirable météore !» L'ange de Dieu, lui, qui soutenait la petite agonisante, souffla à son oreille « Courage, voici la délivrance !» Quand l'envoyé de l'infinie miséricorde fut arrivé dans la grande ville obscure et silencieuse, un phare épanchant une douce lueur, semblable au rayon caressant de la lune, parut au ciel et lui montra sur le sol, dur et glacé, la belle enfant à genoux, suppliante, les mains élevées en une muette prière. Il enleva son âme et remonta avec elle au paradis. Là, elle reçut la belle couronne des élus et la glorieuse palme du martyr. Là, elle oublia toutes ses souffrances aux pieds de Dieu, auprès de la tendre Vierge et de sa mère qu'elle retrouvait là-haut. Elle fut tout de suite amie avec les petits anges qui, pour jouir de son naïf ravissement, se plaisaient à lui montrer toutes les splendeurs du ciel. Quand elle alla baiser les pieds du petit Jésus, le divin enfant lui demanda avec un sourire « Regrettes-tu ton jour de l'an de la terre, ma petite amie ?» Des larmes de bonheur et de reconnaissance répondirent pour elle. Le lendemain, les passants trouvèrent sur le pavé un petit cadavre froid et rigide. « Pauvre, pauvre enfant » murmuraient-ils dans leur pitié. Mais elle, au sein de la félicité et de l'extase des cieux, elle disait « Pauvre, pauvre mortel !» Histoire de deux serins. Le soleil avait souri, à travers les branches dénudées, d'un sourire plein de promesses. Les bourgeons avaient percé la dure écorce, les corolles s'entr'ouvraient fraîches et rieuses, et les arbres, jasant avec la brise, balançaient leurs dômes verdoyants au-dessus de sources grondeuses. Les oiseaux revenaient par essaim pour fêter la naissance des vertes feuillées et celle des marguerites, leurs petites amies des champs. Les nids moelleux s'équilibraient aux jointures des branches, et déjà leurs hôtes se gazouillaient tout bas leurs espérances pour la nouvelle couvée. À la cime d'un grand chêne, toute une famille de serins saluait, certains matins, l'aurore de son premier jour. Le ruisseau qui dort sous les grosses branches de l'arbre géant, le rayon de soleil qui miroite sur la feuille humide au bord du nid, le coin d'azur à travers le rideau de feuillage, cette verdure flottante qui les berce avec de caressants murmures, toutes ces nouveautés ravissantes se révèlent à leur regard étonné, et ils tiennent hors du nid les têtes curieuses de ces êtres naissants. L'horizon empourpré, la source éblouissante qui bondit sur le flanc de la montagne, les flocons blancs dans le bleu du ciel, tout cela a des tons chatoyants et séducteurs, des appels gros d'attraits et de promesses pour les nouveaux éclos. Et c'est un murmure continu, un concert de petits cris joyeux. Mais qu'ils sont heureux de vivre! Oiselés d'un jour, ils ont le présent harmonieux et ensoleillé. Et l'avenir, ah l'avenir! Quand les plumes dorées auront poussé, quand les ailes diaprées se déploieront avec la vigueur de la jeunesse, l'avenir ne se prépare-t-il pas pour eux plus doux que le nid, plus vermeil qu'un reflet de crépuscule dans le ruisseau limpide? Les petits serins ont cru. Ils ont atteint la taille ordinaire des oiseaux de leur espèce. Mais l'un d'eux surtout est un prodige, l'orgueil de la famille, la gloire de la nichée. Quand sa voix vibrante et modulée éveille les échos matinales, plus d'une jeune serine sent palpiter son petit cœur d'oiseau et joint une note émue à ses trilles éclatants. Les êtres ailés, moins méticuleux que les hommes, reconnaissent sans formalité et acceptent sans élection le souverain que Dieu semble leur désigner dans celui d'entre eux qu'il dote de plus de charme. Ceux du vieux chêne avaient voué un culte d'admiration et d'hommage à leur superbe compagnon. Mais lui, indifférent à ses honneurs et à son prestige, ne formait dans sa tête altière que des projets aventureux de fuite et de voyage. Un jour, aussi puissant que beau, il s'élança d'un seul trait de la cime du grand arbre au sommet de la montagne lointaine. Puis, intrépide, il alla se percher sur une branche morte accrochée au milieu de la cascade fougueuse. Et de là, eh bien, il envoya au ciel sa chanson triomphale. Ses parents effrayés avaient essayé de le suivre, mais tristement ils étaient revenus au chêne, les pieds de loin, le cœur serré par un funeste pressentiment. D'un vol aussi rapide que téméraire, l'enfant était revenu, toute la tribu en émoi l'attendait anxieuse. Mais au lieu de regagner le nid paternel où ses petites sœurs attendries l'appelaient de toutes leurs clameurs, le jeune héros, comme pour lui faire hommage de ses premiers lauriers, alla droit chez sa voisine, la plus jolie serine du monde, secouer ses ailes étincelantes des gouttelettes diamantées de la source, et roucouler la plus suave, la plus délicieuse, la plus enchanteresse des mélodies que Dieu ait enseignées à ses créatures. Les humains qui l'entendirent crurent que les accords d'une musique mystérieuse, s'échappant des sphères célestes, étaient parvenus à leur oreille privilégiée. Les échos émerveillés la répétèrent avec enthousiasme. Tout le vieux chêne tressaillit et un concert de louanges s'en éleva comme une fusée vibrante et prolongée. Ces joyeux accents avaient regaillardi toute la peuplade. Chacun, sous la feuille qui l'abrite, s'endormit paisible, rêvant de douces choses. Seule la petite serine avait compris le mot d'adieu caché sous la chanson brillante. Tristement, sa petite tête veloutée s'enfonça sous le duvet de l'aile maternelle. Qui dira combien d'étoiles s'étaient allumées au firmament? Combien de soupirs avaient poussé la brise à travers les feuilles frémissantes avant que le repos vînt clore sa paupière? Le lendemain, toutes les fêtes ont un lendemain, les premiers reflets de l'aurore avaient effleuré la cime de l'arbre séculaire, le roi du jour, disant adieu à d'autres peuples, apparaissait, s'élevait majestueux de son bain de flammes. Toute la nature chantait l'hymne matinal à sa manière, Et le vieux chêne était muet. Muet mais plein de consternation, d'agitation et d'effroi. L'idole, le serin adoré, le beau charmeur des bois s'était envolé, laissant l'angoisse au nid, le deuil de la voisine éplorée. Elle, puisant une énergie désespérée dans l'agonie de son cœur, étendit toute grande ses ailes frêles et timides et disparut. La belle idolâtre, n'écoutant que son amour, volait sur la trace du cher infidèle. 3 longs jours de recherche et de souffrance s'étaient éternisés pour l'infortunée voyageuse. L'ouragan avait soufflé, la tempête avait mugi. Le matin du 4e jour, les arbres, courbés par la tourmente, redressaient leurs panaches ruisselants. Le soleil revenait sécher les pleurs de la nature, qui souriait à travers ses larmes en revoyant son radieux époux. La pauvre serine, épuisée, affaissée sur une branche, buvait languissamment des gouttes de pluie qui tremblaient sur une feuille de peuplier. Soudain, elle se redresse et bondit. Oh, mais elle a entendu. Mais oui, ça ne peut être que lui. Un petit cri bien faible, presque imperceptible. Mais pourquoi son cœur s'est-il arrêté à cette voix? Pourquoi bat-il maintenant à se briser? Elle attend inquiète, le cou tendu, le regard intense, plein d'anxiété et d'espoir. Le cri se répète, doux, navrant, prolongé. Rapide comme l'éclair, la serine franchit l'espace qui la sépare de son bien-aimé. Oh bonheur, il était là, elle le retrouvait. Ah, mais non, l'espérance, un moment ravivée, allait s'éteindre à jamais. Hélas, le roi du vieux chêne est blessé, son aile rompue palpite de douleur. Une fièvre brûlante l'agite et le consume. Il souffre, il se meurt. Ah, pourtant, il ne peut périr, puisque le dévouement et l'amour subsistent encore pour lui en un cœur féminin. La jolie serine se fait sœur de charité. Multipliant les soins au bien-aimé malade, elle vole au torrent, en rapporte dans son bec 3 gouttes d'eau fraîche pour les couler sur sa blessure. Elle remet doucement le membre cassé dans sa position normale, lisse de son aile de velours les plumes hérissées autour de la plaie, verse dans la gorge altérée du cher blessé une eau rafraîchissante. Elle voltige, elle sautille sur le gazon, d'une façon embesognée. Elle va, elle vient, s'oubliant elle-même, s'épuisant pour faire revivre ses amours. À la fin, l'héroïsme eut sa récompense. Par la plus belle et la plus radieuse des matinées, le couple, 1000 fois heureux, revint au pays. Le fiancé était si rayonnant qu'on ne s'aperçut pas qu'il boitait un peu. Il y eut noce complète au vieux chêne. De la base à la cime, il retentit tout le jour des chants d'allégresse. Le beau serin resta le roi. L'année suivante, en cédant le sceptre à son héritier, il lui donna ce sage conseil. Au fait, que croyez-vous qu'il lui dit ? De toujours rester au nid natal, prudemment abrité sous l'aile maternelle ? « Oh non ! Mon fils, lui dit-il, quand la mousse du nid, quand la tendresse de ta mère ne suffiront plus aux aspirations de ton cœur troublé, va, mon enfant, au sein de la tempête, recueillir une précieuse blessure. Le ciel alors t'enverra un messager béni qui te fera revivre 2 fois. Mon fils, un pareil trésor vaut bien une aile brisée. » Le dernier biberon. On avait dit à bébé, « Bon, c'est fini maintenant, vous êtes trop grande. Il faut jeter cette affreuse chose au chat. » « Au chat ?» répétait-elle, captivée par le souvenir du favori. Et c'est tout ce qu'elle retenait de ce grave syllogisme. Or, voici ce qui était. La question avait été agitée en famille à l'heure du couvre-feu, au moment où bébé, en camisole blanche, les gros petons nus, distribuait les bonsoirs, embrassant à grand bruit sa menotte étendue à l'adresse de chacun. Toutes les têtes levées, fascinées par ce petit Jésus potelé aux boucles blondes, souriaient, lui renvoyaient les baisers. Mais la bonne se penche et à demi-voix. Mais faut-il le lui donner ? Ah oui, c'est vrai, fait la maman subitement rembrunie, prise de lâcheté devant la grandeur du sacrifice, puis cédant tout à fait. Si, bon, pour ce soir. Alors le père, sans quitter sa gazette, mais en levant son cigare, prononce avec énergie. Mais ne lui donnez pas cette horreur, je vous en prie. » Là, il proteste. « Ça lui est bien facile, à lui. »« On ne peut pas, fut-il objecté, tout d'un coup comme cela, enfin. » Mais lui l'interrompant. « Je te dis que vous l'empoisonnez. » « Vous l'empoisonnez, ben voilà bien les pères. Ces stoïciens de la théorie, ces braves d'arrière-plan qui commandent la manœuvre d'une voix de tonnerre et s'enferment dans leur cabinet pour ne l'entendre pas exécuter. » « Eh bien, essayez, avait dit la maman avec résignation, intimidée par tant de fermeté. Mais vous ne savez pas encore le sujet du litige. L'article en question, l'objet des foudres paternelles, c'est une petite chose informe, d'une teinte grisâtre, brouillée et inquiétante. Un lambeau de caoutchouc déchiqueté par des dents aiguës. C'est un vestige du dernier biberon de bébé, aussi méconnaissable qu'une balle dont on retrouve le plomb fondu et mâché. Une chose, enfin, peu appétissante, d'un parfum étrange, et à laquelle le petit monstre tient plus qu'à tout au monde. Aussi est-on décidé à en finir. Ce matin encore, comme le papa, fier de surprendre son réveil d'oiseau, la prenait dans son nid, toute chaude, les yeux s'ouvrant clairs et grands à la joie du matin, et allait l'embrasser avec ferveur, elle lui entra cet objet dans la bouche. Oh, il en cracha pendant 5 minutes, très en colère, jurant d'opérer des réformes radicales et de trancher dans le vif, enfin bref, de faire un coup d'éclat. Et tout ce temps, la pauvre insouciante, victime de demain, la mignonne Rose savourait l'horrible suçon. Après le départ de la bonne, il s'était fait un silence, gazette et livre s'étant relevés. Au bout d'une minute pourtant, la voix du tyran se fit entendre, mais sans cet accent invincible de tout à l'heure, une voix très mitigée, où l'on sentait poindre un attendrissement. « Bon, ne ferais-tu pas mieux d'y aller ?»« Oh non, non, non, ce serait pire !» Nouveau silence. Puis soudain, le choc attendu, une explosion de larmes là-haut. Il s'ensuivit un tumulte et une envolée de feuillets. « Bon, attends, dit le maître, tu vas tout gâter !» L'obéissance la retient un moment, mais les cris continuant, elle se précipite et du bas de l'escalier. Oh, « Marie, s'écrie-t-elle, donnez-lui, mais alors donnez-lui » Elle revient, le calme aussitôt rétabli, tout ému encore et murmurant. « Enfin, l'idée de le lui enlever ainsi, sans préparation, mais pauvre chou !» De son côté, le papa, très remué, mais voulant tenir décemment son rôle jusqu'au bout, va chercher une allumette, ayant laissé son cigare s'éteindre, et lève les épaules à l'effet de blâmer cette défaite à laquelle il ne prend aucune part. Il fallut donc apporter à l'événement tout le soin que nécessitent les résolutions importantes. Depuis quand, monsieur le papa, vous qui avez lu l'histoire, et depuis quand le progrès surgit-il ainsi spontanément, sans effort, du terrain des mauvaises habitudes et des abus? Citez-moi une réforme qui est poussée, de même qu'un champignon sur une terre inculte, sans être amenée, conduite, préparée par une main habile et patiente. Enfin, Paris ne s'est pas fait en un jour. Telles sont les ressources de la diplomatie maternelle et le résumé de son plaidoyer en faveur d'un atermoiement. Mon bébé a 2 ans et demi, du reste, et sa mère, qui lit en son petit cerveau, comme dans un ABC ouvert, y voit déjà un embryon de logique. Aussi est-ce ce bon sens en herbe qu'elle compte exploiter pour accomplir la réforme projetée. Bébé reçut un jour une superbe poupée bleue. Bébé fut ravi, folle de joie, et elle ne voulut plus quitter cette poupée, pas plus à table qu'à la promenade ou au bain. Il la lui fallut même pour dormir. Mais voilà, la nouvelle venue est l'ennemi déclaré des suçons. Mais que faire alors? Jeter le suçon au minou? Jeter à minou, fait le petit singe. Bon, en effet, la maman ouvre la fenêtre et bébé lance elle-même son meilleur ami dans la cour. Une fois blottie dans son lit blanc avec la précieuse poupée bleue, l'heure du dodo venue, la pauvre petite s'aperçut bien qu'il lui manquait pourtant quelque chose, car 2 fois, elle rappela sa mère qui l'avait ce soir-là bordée longuement. Se sentant tout attristée, le cœur fondu de compassion devant l'ingénuité de ce sacrifice sans murmure. Elle demanda du lait, et voyant la tasse fraîchement vidée, elle reprit avec un soupir. « Bonsoir maman !» Une prière, une seule, se pressait sur ses lèvres qu'elle n'osait formuler, la sentant déraisonnable. À la fin, trouvant un ingénieux prétexte pour trahir son gros regret. « N'en a plus, donnez au chat !» fit sa douce voix, du même ton insidieux et enjôleur qu'on le lui avait répété tout le jour en vue du succès final. Le tyran, dans son antre, oubliant de lire son journal, attendait avec impatience la fin de l'aventure. Bon, « Eh bien, » dit-il, dès qu'il la vit revenir, allant à pas de loup, marchant avec précaution comme si le moindre souffle eût pu compromettre la victoire espérée. « Eh bien, bébé ne pleura pas. » Mais elle s'endormit fort tard, et au petit jour, elle s'éveilla en larmes demandant le suçon. Puis, s'avisant aussitôt de l'absurdité de sa requête, elle se mit à crier plus fort. « Quelque chose de bon !» Son innocente lâcheté vêt encore sa pudeur. Ce fut la réaction, et les événements ne tardèrent pas à justifier les prévisions de la clairvoyance maternelle. Au bout d'une semaine, ce gros chagrin était oublié. Et puis quoi? Eh bien, bébé ne s'en trouva pas plus mal, au contraire, puisqu'on ne l'empoisonnait plus, et ce furent, pour les sages, les regrets. Cette importante réforme si habilement obtenue, cet avancement notable de l'enfant, ce fameux progrès, qu'était-ce en effet? Eh bien, la dernière étape de cet âge exquis de la première enfance, où notre chérie n'est qu'un poupon gras et rose qui tient tout comme une petite boule dans la corbeille que lui font nos bras. C'est le commencement de cet autre où l'on devient conséquent, où l'on comprend, où l'on souffre. Eh bien, y a-t-il vraiment là de quoi être fier? Ah ben c'est bien la peine de sevrer les pauvres innocents de leur pure joie. Et par quoi les remplace-t-on? Par les enseignements maussades de la raison, de l'expérience, cette marâtre qui ne sait corriger qu'en châtiant. Pauvre bébé, cher petit mouton qui te laisse tondre de tes gracieuses et charmantes fantaisies, quand tu auras de grandes gigues et des brèches dans la rangée de perles fines que découvre ton sourire, alors on songera avec envie à ce que tu fus autrefois. On s'attristera de te voir pousser si vite et laisser loin derrière les chers souvenirs du temps des biberons. Et c'est ainsi que le sort te venge de ceux qui s'acharnent à te rendre sage, comme eux. C'est probablement ce regret anticipé qui fit que la maman de tout à l'heure, bientôt revenue de l'orgueil de son triomphe, put être vue cherchant avec soin, sous sa fenêtre, parmi les balayures, un petit objet perdu, pleurant presque, à l'exemple de bébé, à la pensée que le vilain chat aurait bien pu en effet le manger. Et le vieux biberon disgracié, exhumé avec honneur, devint alors une précieuse relique.